à toutes et à tous. Bienvenue à l'émission Connaître ensemble. Alors aujourd'hui, notre thème, c'est l'implication des pères. C'est l'implication des pères, en fait, dans le suivi de la grossesse, dans la période périnatale. On a deux invités aujourd'hui qui sont des pères et qui en parlent dans leur travail quotidien. Restez avec nous, notre chronique aussi internationale sera sur les pères. Alors, nos deux invités, Éric Couteau et Carl Lacharité, bonjour. Bonjour. Bonjour, Mélina. Alors, je vous présente d'abord Carl Lacharité. Tu es directeur d'un groupe de recherche à l'UQTR, alors qui s'appelle le CEDEF, le Centre d'études interdisciplinaires du développement de l'enfant et de la famille. Tu es auteur de co-auteur de plusieurs recherches. Tu as travaillé en fait sur la question de l'investissement paternel, aussi sur la question des groupes de pères, des activités aussi pères-enfants, et aussi d'un sujet un peu moins rose, mais qui se mérite qu'on se penche sur ce sujet, la question des pères et le maltraitement des enfants. Éric Couteau, alors tu es travailleur social, tu t'intéresses sur les questions de genre depuis maintenant 7 ans. Alors, tu as eu une pratique clinique auprès des clientèles masculines avec diverses problématiques, pas nécessairement reliées à la grossesse, mais à la prévention du suicide, conflits de couple et ruptures amoureuses, prévention et sensibilisation à la violence conjugale. Alors, vraiment un net intérêt pour la condition masculine. Et, en fait, tu es aussi rattaché à l'équipe Masculinité et société du Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes, qui est le CRIVIF. Alors, pour vous présenter aussi sur un autre angle, pouvez-vous nous dire, vous êtes père de combien d'enfants et quel âge ont-ils, ces enfants? Est-ce que c'est l'âge qui commence ou c'est la jeunesse? C'est une excellente question. Moi, je vais me lancer à ce moment-là. Moi, je suis papa d'une petite fille qui prénommée Florence, qui a maintenant 15 mois. Et puis, je serai de nouveau papa à la mi-juin d'une autre petite fille qu'on attend avec impatience. Donc, c'est quand même... la paternité, pour moi, c'est assez récent. C'est aussi dans le contexte actuel qui était peut-être pour Carl pas le même à l'époque, il y a peut-être alors... 20 ans. Là. Oui, effectivement, parce que moi, je suis... de la génération précédente, on pourrait dire, parce que j'ai 4 enfants. Le plus vieux a 24 ans, j'en ai un de 22 ans, j'ai une fille de 20 ans, et puis j'ai une autre fille qui va bientôt avoir 17 ans. Et puis je suis grand-père d'une petite fille de 22 mois. Et donc, je pourrais probablement être grand-père de tes enfants. Oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, on va parler d'abord de votre implication dans votre travail. Qu'est-ce que la question des pères a été dans votre milieu de travail et aussi comme implication personnelle en tant que père, les joies que vous avez vécues, aussi les obstacles à votre implication? Je reprends le même ordre. Carl, peux-tu nous parler un peu de ton travail et puis quel contact as-tu eu avec les pères? Moi, je suis psychologue et puis j'ai commencé à pratiquer mon métier de psychologue à peu près au même moment où je suis devenu père moi-même. Et puis, mon métier de psychologue m'amenait à œuvrer auprès des familles qui ont beaucoup de difficultés et puis à rencontrer des parents qui devaient relever ces difficultés avec leurs enfants. Donc, je me suis retrouvé dans une situation où à la fois j'étais professionnel, mais une situation à l'intérieur de laquelle j'étais personnellement très, très impliqué. Au même moment. Et puis, pour moi, c'était impossible de faire la coupure entre être un professionnel objectif qui met à distance les choses qu'il voit devant lui et puis ma vie de tous les jours. Et puis, je voyais des pères, je voyais des mères en train de me dire comment ça pouvait être difficile d'élever leur enfant, de les aimer. Mais je me voyais, moi aussi, à tous les jours, trouver pas nécessairement ça facile à faire, cette tâche-là, d'être un parent, d'être un père. La somme de décisions que l'on doit prendre à l'intérieur d'une journée, la journée étant pas juste entre 8h et 5h le soir, mais la journée comprenant les 24h, parce qu'il y a une foule de décisions qui doivent être prises aussi la nuit. Oui. On a l'impression que la nuit, c'est fait pour dormir, mais lorsqu'on est parent, on se rend compte que C'est oui. pas le cas. Puis particulièrement en période périnatale où là, ce qui est vraiment confrontant, c'est de se retrouver peut-être pour la première fois de sa vie à être obligé de vivre au rythme de quelqu'un d'autre. Oui, tout à fait. Puis moi, j'avais eu aucune préparation à ce genre de d'expérience. On m'avait pas nécessairement informé de tout ce que ça voulait dire. La seule chose qui m'a amené à m'embarquer dans cette aventure, c'est le fait que je le faisais pas tout seul. J'étais accompagné. On le faisait ensemble, mon épouse et moi. Et puis que j'avais autour de moi des gens qui, en fait, me regardaient avec une certaine bienveillance. Hein, même si j'avais jamais fait ce genre de choses, ils voyaient en moi quelqu'un qui semblait être en mesure de relever ces défis. Et puis ça m'a beaucoup servi, ce genre de choses. Et puis par la suite, quand j'ai continué à travailler avec des pères, je me suis rendu compte que ce que moi j'avais eu la chance d'avoir, ce regard bienveillant, cette espèce de travail en équipe avec une femme qui travaille, qui fonctionne bien, ben il y a d'autres hommes qui ne l'avaient pas du tout. Est-ce que c'est le désir d'informer les pères qui t'a poussé à faire de la recherche dans ce sens-là? Parce que tu as d'abord été psychologue et puis ensuite tu as fait de la recherche. Oui, ben en fait c'est une erreur de parcours. Je suis devenu un chercheur. Je pense que c'est toujours comme ça. C'est ça. Moi, ce qui m'a motivé beaucoup, évidemment, c'est la curiosité, c'est de vouloir comprendre. On retourne 20-25 ans en arrière, et puis ce que l'on connaissait à propos des pères, et puis évidemment, ce que moi, je pouvais être capable de comprendre à propos de ma propre expérience, c'est assez ténu, hein, c'est assez fragmentaire. Puis pour moi, ça devenait important de pouvoir pas juste informer les autres, mais de pouvoir essayer de comprendre des choses pour moi-même. Ça s'est fait en interrelation. Exact. Puis j'ai eu 4 enfants pour peaufiner la réflexion. Exact. Laboratoire d'expérimentation, là, il était présent. C'est de l'observation participante. Oui. Oui. Et puis, Éric Couteau, peux-tu nous parler un peu plus, toi, en tant que travailleur social, quel a été ton contact avec les pères? Ben moi, en fait, ma pratique clinique a surtout été avec des pères, mais comme c'était pas directement en paternité, les pères que je rencontrais puis qui étaient touchés dans leur rôle de père, c'était des pères en rupture d'union. Donc des pères qui se séparaient et que là, ils étaient un peu à renégocier leur contact, leur lien avec leurs enfants. Et ce que j'ai trouvé peut-être le plus confrontant là-dedans, je te dirais, Mélina, c'est à quel point les gens souvent ont des représentations très très précises de ce que c'est un père, de ce que c'est une mère, de ce que le père doit faire pour ses enfants ou la mère doit faire. Et puis je te dirais, dans les cas de rupture, c'est je pense que presque tout le monde part avec la présomption que ça va être la mère qui va être le parent gardien, que le père est un peu là comme support ou comme parent secondaire, comme pourvoyeur. Et moi, je te dirais, c'est beaucoup autour de ça que ma réflexion sur les pères s'est articulée, c'est de dire à quel point, comme société, on peut avoir des représentations, des rôles qu'un homme doit jouer, qu'une femme doit jouer. Puis je te dirais, à un niveau personnel, j'ai particulièrement été confronté à ça, justement, autour de mon processus d'accès à la parentalité, parce que je pense que c'est peut-être un domaine où les rôles de genre sont peut-être les plus figés encore. Mais justement, j'allais vous poser conjointement la question, quelle est l'image véhiculée des pères dans notre société? Justement, le portrait que vous avez, à quoi ressemble-t-il au niveau des pères? Ben, je pense qu'il y a un piège de ce côté-là en termes d'image. On va considérer aujourd'hui encore beaucoup que le père n'est pas une mère comme les autres. Donc, souvent, la référence que l'on va avoir pour essayer de comprendre ce qu'un père fait avec son enfant, c'est l'étalon ou la référence de ce qu'une mère fait. Et puis, donc, on va être en train de dire le père fait plus, fait moins que, puis des choses comme ça. Donc, c'est difficile de comprendre le père un peu tout seul comme ça, sans nécessairement le référer à la mère. Et ça, donc, quand on arrive, par exemple, dans les situations de rupture comme celle que tu évoques, Éric, pour le père, pour la majorité des pères, ces ruptures conjugales, en fait, se traduisent aussi par des ruptures dans leur lien avec leur enfant, à peu près automatiquement. Et puis, de ce côté-là, ils deviennent un peu comme des parents de second ordre. à l'égard de leur enfant, parce qu'ils ont plus cette référence-là à la mère, ou cette référence-là à la mère devient importante au point où on les disqualifie. Ouais, on définit beaucoup le père en complément, dans le sens par rapport à la mère, qu'est-ce que lui fait, mais aussi par rapport à ce que la mère va faire. Ben effectivement, puis je pense que aussi plus l'enfant est jeune, plus les rôles vont un peu être diffus, dans le sens où les tâches qu'il y a à y avoir, c'est des tâches de soins aux enfants. Et l'enfant, avant qu'il ait 6 mois, 1 an, sa capacité d'interaction avec nous reste quand même, je dirais, plutôt limitée. Et puis, si on se réfère un petit peu à, pour répondre à qu'est-ce que c'est un père, à, moi je renvoie toujours la question, c'est comment on construit les pères, les hommes, comment on les socialise à devenir des hommes. Ben, c'est beaucoup dans la compétition, dans l'action, dans la stoïcité. Et moi je pense que cette socialisation-là, quelque part, peut créer certains obstacles, certains écueils ou un inconfort chez certains hommes à s'occuper d'un nouveau-né, à entrer dans la sphère des soins qui est peut-être plus traditionnellement en fait dans la socialisation des femmes là. Oui. Donc ce que tu veux dire dans le fond, c'est que étant donné qu'on associe plus le maternage en général aux femmes, l'idée de les petits soins, la délicatesse et tout ça, dans le fond ça leur a un impact jusque dans ces 16. Ben c'est ça, parce que pour les hommes qui l'ont intégré, cet aspect-là de dire, s'ils se définissent comme hommes en se disant, ben moi je suis stoïque, je suis fort, d'être tout délicat avec un petit enfant, ils se sentiront pas à l'aise. Ça veut pas dire qu'ils sont pas capables, ça veut dire que dans la façon dont on les a élevés, pour eux, être un homme, c'est ça, et c'est tellement intégré que ça fait comme partie intégrante de ce qu'ils sont. Puis moi, ce que j'ai trouvé fascinant quand j'ai eu un bébé, c'est à quel point, justement, en très bas âge, la relation avec l'enfant va se construire au travers de ça, par le toucher. Puis je pense que dans une vie, c'est à peu près la seule relation qu'on va construire avec ce sens-là. Tu sais, quand on rencontre quelqu'un, on va bâtir une relation avec lui, avec la parole, surtout avec l'écoute. Mais un enfant, c'est pas ça. Un enfant, en très bas âge, on va le toucher, et c'est au travers de ça que la relation va se créer. Une relation comme celle-là, par le toucher, ça se fait, je pense, c'est juste avec un amant ou une maîtresse, là, dans une relation amoureuse torride et intense. Oui, et les garçons sont pas très socialisés à explorer ce genre de contact avec d'autres personnes. J'ajouterais aussi, Eric, le fait que lorsque on devient père, lorsqu'un homme devient père, il a pas beaucoup d'occasion de réfléchir et de discuter et de parler de sa paternité. On demande pas beaucoup l'opinion des parents. On va être porté à aller vers la mère, comment ça va, as-tu des nausées, as-tu ça. Exact. Mais le père... Et quand il a l'occasion de le faire, c'est surtout avec des femmes. Mm-hmm. Et donc, puis... parler de lui comme père avec sa mère, sa sœur, sa conjointe, avec des travailleuses sociales, avec des infirmières, avec des médecins qui sont souvent féminine. Et puis donc, y a pas encore beaucoup de culture masculine de la paternité. Aujourd'hui, on entend parler des pères. Qui en parle des pères? Souvent, principalement, c'est les femmes. Bon, là, c'est sûr que c'est des femmes qui vous ont invité. Mais tu sais, Gab, peut-être une anecdote pour expliquer ça. Moi, je me souviendrai toujours, la grossesse de ma conjointe, la première grossesse a été suivie dans un groupe de médecine familiale, et le premier contact avec la famille se fait par le travail d'une infirmière. Infirmière qui était fort attentionnée ce jour-là, puisque quand on devait aller la rencontrer, ma conjointe et moi, il y avait une tempête de neige monstre. Fait que l'infirmière avait pris sur elle de nous appeler à la maison et puis d'offrir à ma conjointe de répondre à ses questions par téléphone. Mais c'est parce que c'était moi qui avais décroché, puis c'était moi qui parlais à l'infirmière, puis je m'étais très clairement identifié comme le conjoint de ma conjointe, donc le père en devenir. Et c'était un peu un sous-entendu que moi, je pouvais pas avoir de questions, j'avais pas... Et alors que à cette période-là, comme couple, on avait des décisions importante à prendre, du genre est-ce qu'on va aller faire les tests d'amniosynthèse, entre autres, là, au début de la grossesse. Donc c'est je pense que, compte tenu que tout le ce qui est de l'accès à la naissance, tout le processus de mise au monde d'un enfant, étant donné c'est très associé au domaine du féminin, à ce qu'on se représente comme étant féminin, très souvent, on finit par évacuer les pères, et c'est, on le fait pas par mauvaise volonté, mais peut-être parce que c'est devenu une habitude, un réflexe, parce que c'est un peu quelque chose de peut-être même inconscient. Mais c'est, je pense que c'est les choses qui m'ont accroché dans la grossesse de ma conjointe. C'est des choses que j'ai été capable de rationaliser, de comprendre, de réfléchir, de remettre en contexte. Mais je comprends que pour d'autres pères qui n'ont pas cette capacité-là, qui se sentent exclus, c'est pas, moi, ça m'étonne pas. Ça nous étonne. Mais j'allais justement vous demander la question des construits. Est-ce que, par exemple, l'instinct maternel, qu'en pensez-vous? Existe-t-il vraiment ce fameux instinct maternel dont on parle si souvent? Je pense que Stephen Hopper, on en a parlé aujourd'hui après le budget de l'instinct maternel. Je pense qu'il va sauter là-dessus. À mon avis, c'est un construit qui a été largement utilisé pour contrôler les femmes, entre autres. Et puis, il y a une foule de choses dont on doit se poser la question. Aussitôt qu'on a le réflexe d'appeler ça un instinct, quel genre de rapport à soi-même on est en train d'évoquer lorsque on appelle une chose instinctuelle? Et puis, habituellement, ce qui ressort, c'est que quand on est face à un instinct, l'individu a plus le choix. Hein? Il doit réagir. Il est supposé. C'est ça. Les choses se produisent naturellement, mais naturellement ici est pris dans le sens sans que j'aie à y jouer un rôle en termes de ce que je peux vouloir consciemment, en termes de ce que je peux avoir comme rêve à propos de moi, à propos de ce qui m'arrive. Moi, c'est qu'il y a un certain déterminisme dans la notion d'instinct, comme si c'était quelque chose auquel on pouvait pas échapper, on peut pas faire autrement. Prendre soin d'un enfant, c'est avoir l'instinct maternel. Et quand un père va être peut-être empathique envers son enfant, à l'écoute de son enfant, on va dire qu'il a un instinct maternel lui aussi. Mais dans le fond, quand on parle d'instinct maternel, de quoi on parle? Moi, je pense qu'on est plus en train de référer, de dire à prendre soin. On parle un petit peu d'empathie aussi à ce moment-là. Puis ça, c'est des qualités que je pense que, oui, plusieurs pères sont capables d'avoir, de se sentir interpellés par la santé de leur enfant. Mais encore là, si les pères, dans leur socialisation d'hommes, sont socialisés à pas s'inquiéter, à se dire que tout va passer, c'est des choses qui vont refouler, puis ils vont vraiment passer à côté de ça. Il y a une foule de choses, cependant, qui, dans le rapport entre des adultes et des bébés, qui sont de nature physiologique également. Et puis ça, moi, j'hésite beaucoup à qualifier ces réactions physiologiques d'instinctuelles, parce que c'est pas parce qu'un individu, une femme ou un homme, par exemple, va avoir une réaction comme l'augmentation de ses battements cardiaques, l'augmentation de la sueur sur sa peau lorsqu'il entend un pleur d'enfant, que automatiquement il va devenir intéressé à se pencher vers cet enfant-là, à vouloir en prendre soin, à vouloir le consoler. La plupart des gens qui, par exemple, se retrouvent dans des situations de mauvais traitement à l'égard de ces enfants-là vont avoir ce type de réaction. Puis même parfois, souvent, les personnes vont avoir des réactions encore plus puissantes que la normale des gens. Et puis, ce dans quoi ils s'embarquent à ce moment-là, c'est d'essayer de se protéger contre ça. Et puis là, ils s'engagent pas avec l'enfant. Ils vont essayer de faire cesser ce qui les stresse. Oui, je comprends. On va vous laisser, les auditeurs à la maison ou autres, continuer ces réflexions sur l'instinct maternel, existe-t-il ou non. Et puis, on reviendra avec la pause sur quelques autres obstacles, peut-être à l'implication des pères, mais aussi à des belles solutions que nous pourrions aborder en tant que société. Alors, la chanson que nous allons écouter s'appelle « Papa » avec deux P au centre, de Jonathan Savage. Alors, c'est un nouvel album, « Faux prophète ». En fait, dans la chanson, ce papa parle à sa fille de la paternité avec des mots simples et des choix difficiles comme celui d'être parent. À tout de suite. Juste deux mois. temps, c'est presque rien. Une éternité. De retour à l'émission Connaître ensemble, une émission pour tout connaître sur la périnatalité. Alors, on continue avec notre thématique de l'implication des pères dans la grossesse, dans le postnatal, etc., avec Carl Lacharté et Éric Couteau qui nous en parlent. Et en fin d'émission, nous aurons une chronique sur l'implication des pères, mais plutôt d'un point de vue à l'international. Alors, on revient avec cette fameuse question en studio de quels sont les obstacles que rencontrent les pères d'aujourd'hui dans leur implication parentale. Mais peut-être que je pourrais remettre sur la table ce que j'avais brièvement évoqué tout à l'heure. Les pères aujourd'hui, lorsqu'ils deviennent pères, doivent être en relation, en contact à peu près constant avec un monde de femmes. Et puis, c'est peut-être un des premiers obstacles dans le rôle de père que d'être accepté comme personne légitime, comme personnage légitime à l'intérieur d'un réseau de femmes. Puis là, je parle pas juste des gens de la famille, la conjointe, la mère. Je parle aussi des intervenantes qui, lorsqu'un bébé arrive, lorsque l'enfant est très jeune, sont dans la grande majorité des femmes. Donc, comment est-ce qu'on fonctionne sous le regard des femmes? Parce que c'est dans ce contexte-là, en premier lieu, que l'on a à s'insérer. Ouais, puis je me souviendrai toujours, je me suis retrouvé certaines fois dans des fêtes de famille où les gens avaient tendance, les femmes, là, bon, on a toute l'image des 18 matantes, là, à me dire quoi faire avec mon enfant, à me dire, ah non, tu devrais faire ci, ça. Hey, c'est parce qu'il y a deux personnes qui connaissent cet enfant-là super bien, c'est moi puis ma blonde. Puis les autres, ben, ils le voient presque pas. Donc, il y a, je pense, l'aspect de la compétence que les pères vont avoir. S'ils ont des contacts réguliers avec leurs enfants, ils finissent par être, dans le fond, la deuxième personne qui connaît le mieux cet enfant-là. Fait que moi, je pense que déjà, une chose qui serait importante, c'est de partir avec le précepte que le père est et fait partie des deux personnes les plus compétentes pour s'occuper de son enfant. Oui. Mais peut-être quelque chose qui pose obstacle à même ce précepte-là, c'est le fait que aujourd'hui, ce n'est peut-être pas est-ce la majorité des pères qui veulent développer cette compétence-là, car c'est un peu comme un cercle, dans le sens si ces pères-là ne veulent... Moi, je pense que déjà, de la façon dont tu poses la question, oui. c'est déjà assez révélateur d'une certaine croyance. C'est-à-dire, tu as posé la question, est-ce que les pères veulent s'impliquer? Moi, je pense que, évidemment, oui, mais je me demande pourquoi ta question a pas plutôt été, il y a quel pourcentage de pères qui ne veulent pas s'impliquer. Ah, d'accord. Parce que cette proportion-là est très infime. Je pense que d'emblée, dès que quelqu'un décide volontairement d'avoir un enfant, il va vouloir s'impliquer, il va vouloir jouer un rôle dans la vie de cet enfant-là. Peut-être qu'en bas âge, il va se sentir moins habile, moins à l'aise, mais c'est sûr que dès qu'on a pris la décision consciente de vouloir des enfants, on a le désir de s'impliquer à un quelconque moment dans leur développement, dans la vie de ces enfants-là. C'est sûr que dans le processus de la grossesse, il y a une certaine part que les pères doivent faire parce que un enfant qui va naître, bon, pour une femme, étant donné que son corps se transforme, qu'elle va être plus fatiguée, qu'elle va sentir l'enfant bouger, l'enfant va devenir, dans le fond, l'idée de l'enfant qui s'en vient va devenir beaucoup plus concret pour elle, pour le père. C'est quelque chose qui est très, très, très abstrait. Moi, je pense que c'est devenu réel juste au moment où j'ai vu cet enfant-là bouger sur un écran, une échographie, puis que j'ai compris que l'image qui bougeait, c'était pas le médecin qui avait bougé la sonde, c'était vraiment le bébé qui bougeait ses pattes, là. Oui. J'ajouterais aussi à ça que l'implication du père, la préhistoire de cette implication-là dans la vie d'un homme, c'est pas juste lié à un désir, c'est aussi lié à tout ce qu'il va se mettre à faire de manière quotidienne et comment ce désir-là va être maintenu. Et puis, on parle d'obstacles ici. Peut-être un autre obstacle qui est important, c'est le fait que, puis là, je vais comparer avec les femmes, c'est que les femmes, ils ont énormément plus de pression à interagir avec leur enfant, et avec cette pression-là aussi, ils ont énormément plus de soutien à maintenir cette interaction, cette relation-là avec l'enfant que les hommes ont. Fait que souvent, les hommes, ils vont avoir ce désir-là, mais ils n'auront pas nécessairement les conditions de soutien et pas nécessairement les pressions pour pouvoir maintenir cette interaction, cette implication, cet investissement avec l'enfant. Et puis là, on va voir des hommes qui vont à un moment donné décrocher. Puis là, on va se demander pourquoi. Oui, mais être avec un enfant d'une manière quotidienne, c'est une tâche complexe qui demande du soutien. Et puis n'importe quelle tâche complexe qui demande du soutien, désolé, mais tu seras pas capable de la faire dans la longueur, dans la durée de temps, si tu n'as pas ce soutien-là. Oui, puis ce qui peut aussi être difficile au niveau de le début de vie d'un enfant, c'est que l'attachement avec cet enfant-là n'existe pas encore. Un enfant naît, on le connaît pas, on connaît pas son caractère, on sait pas ce qu'il préfère. Tout est à construire avec cet enfant-là. Donc, de dire, moi, ma petite fille, rendue à 15 mois, elle me reconnaît, elle me voit sur les photos, elle m'appelle papa, elle court partout. Quand elle me voit arriver, elle a le grand sourire. C'est sûr que là, je l'ai ma paye à m'investir auprès d'elle parce que l'enfant me redonne dans l'interaction que lui a avec moi. Mais quand l'enfant a 4 semaines, 2 mois, 3 mois, son interaction, c'est nul. Il voit à peine quelques ombres floues à 3 pieds de lui. Il n'y a pas cet incitatif-là, si on veut, à s'investir auprès de l'enfant quand l'enfant est en très bas âge, là. Je pense que ça, c'est... je t'écoute parler. J'ai une vision de l'enfant comme étant, du bébé naissant comme étant beaucoup plus actif dans son propre développement, dans sa propre vie. Et puis, cependant, il y a beaucoup de parents, des mères, mais aussi des pères qui considèrent que un bébé naissant, ça fait pas beaucoup de choses. Sauf que quand on se met à porter attention à tout ce qu'il fait, cet enfant-là, il est équipé pour créer des liens, et puis il va passer à peu près 24 heures de sa vie sur 24 dans une journée à pouvoir s'assurer que ces liens-là sont conservés, se construisent, s'élaborent. Et puis ça va être indépendamment que ce soit sa mère ou son père, n'importe quelle personne humaine avec qui il a la possibilité d'être en contact, il va profiter de ce contact-là. Ouais, puis c'est drôle parce que moi ça renvoie aussi une réflexion que j'ai eue, c'est de dire les enfants en très bas âge, on a tendance à les considérer comme des bébés. Mais moi je pense que mon enfant a arrêté d'être un bébé, je pense à 6 mois ou à 3 mois dans mes références à moi, justement parce qu'il demandait des choses, il commençait à interagir et tout. C'est sûr qu'en bas âge ça se fait aussi. Mais dans le fond, c'est de porter une attention à cet être-là. qui va tenter de nous communiquer avec les moyens que là, et à mesure que l'enfant va grandir, la palette de moyens qu'il peut utiliser pour dans le fond communiquer ce qu'il veut et ce qu'il a besoin va s'élargir. Il va évidemment aussi avoir certains comportements qu'on va devoir encadrer ou qu'on pourra pas tolérer, comme l'enfant qui crie pour avoir l'attention et tout ça, puis qui dérange tout le monde. C'est là que la mère a dit « Attends que ton père arrive. » Oui, hein? Mais ça, c'est un autre débat. C'est tout l'aspect de la discipline et de la sévérité attachée au masculin. Mais je pense que c'est tout cet aspect-là qui est à tenir en compte dans comment nous, comme individus, on se représente ce qu'est un enfant. Est-ce que pour nous, c'est un acte vulnérable, tout petit, fragile, qu'il faut prendre soin absolument, puis tout pader la maison pour pas qu'il se cogne, ou si on se dit un peu l'autre optique, là, s'il se cogne, il va apprendre. Mm. C'est un peu un dosage de tout ça, je pense qu'il faut avoir. Mm. Mais à la base, ça réfère à ça aussi. Quel est votre point de vue là-dessus? C'est drôle parce qu'il y a des pères qui vont structurer leur rôle autour de certaines fonctions typiques de la paternité. Comme par exemple, il y a des pères qui vont se définir leur identité de père autour de leur rôle de pourvoyeur, autour du fait d'offrir à ses enfants, à sa conjointe, à sa famille, bref, tout ce qu'il faut, les biens matériels, le confort et puis tout ça. Il y a d'autres pères qui... La sécurité aussi. Puis quand ils se séparent, ces pères-là, ils se font dire qu'ils n'ont pas été capables de bien donner tout exact. Mais bon, ça, c'est un autre affaire. Puis il y a d'autres pères qui, eux autres, vont se structurer, on les appelle des pères poules aussi, là, puis eux-mêmes, ils s'appellent comme ça, qui vont se structurer autour de la fonction de protection. Donc, ils vont se voir principalement comme des gens qui doivent protéger leur enfant des vicissitudes de la vie, et puis que là ils vont devenir hyper anxieux parce que leur enfant s'en va à tel endroit puis il devrait pas y être, et puis là il pleure de telle façon puis ça devrait pas arriver comme ça, puis là ils vont se mettre à s'inquiéter. Puis il y a d'autres pères qui vont se structurer autour de leur rôle, par exemple de figure d'autorité, de moralisateur, et puis bon, c'est moi qui mets la limite, et puis bon, moi je pense qu'une chose, je vais devoir enchaîner sur la dernière question déjà. Vous allez pouvoir ça va peut-être être dans le même sens que toi. Dans le fond, je voulais absolument vous demander quel changement. On a déjà parlé de la perception. Je crois que déjà là, c'est un grand pas en avant. Qu'est-ce qu'on peut changer pour favoriser l'implication des pères? Moi, ce que je dirais d'emblée, puis ça va peut-être me permettre d'aller sur ce que je voulais, puis de m'en aller vers d'autres choses, c'est de dire que je pense que pour élever un enfant, il y a des choses, en fait, il y a une palette de choses qui doivent être faites. Oui, il y a le rôle d'autorité, il y a le rôle de protection, il y a le rôle de développement de l'autonomie de l'enfant, de pourvoyant. Puis je pense qu'on, comme individu, qu'on soit homme ou femme, il y a des choses qui, par notre socialisation, on peut avoir une, je vais le dire propension. Comme ça, et avec des guillemets, une prédisposition, une propension à les faire, ça prend ça, mais il peut aussi avoir des individus qui ont développé d'autres choses. Et je pense que c'est à ça qu'il faut être attentif, c'est-à-dire, comme individu dans un couple, dans une famille, qu'est-ce que dans le fond, dans nos prédispositions individuelles, on possède comme capacité, et de miser là-dessus. Je pense que si on arrive à faire ça, puis à dire, il y a certains pères qui, oui, peuvent être plus à l'aise dans un rôle de protecteur, dans un rôle de privé, moi je me dis que c'est d'aller chercher la contribution de chacun des pères comme un parent à part entière. Déjà là, on partirait, je pense, qu'avec un bon rattrapage là. J'ajouterais aussi à ça que pour promouvoir, valoriser le rôle de père, je pense qu'on a à structurer des établissements, des institutions de services qui sont beaucoup plus accueillants. aux pères qu'ils ne le sont actuellement, de faire en sorte que les pères puissent se sentir interpellés, se sentir reconnus aussi à l'intérieur de ces établissements de services, en lien avec les professionnels qui y travaillent. Et ça, il y a un bout de chemin important à faire. Oui. L'autre élément, à mon avis, moi, c'est de commencer à considérer que être père, ça veut dire se constituer également en communauté d'hommes qui adressent, qui abordent la question de la paternité entre eux également, de se construire un savoir masculin sur la paternité. Actuellement, on n'a pas encore ce genre de choses. Si on le compare, par exemple, au savoir féminin à propos de la maternité, on est à des années-lumière, à mon avis. Donc, de créer des espaces de parole, des espaces d'échange, de partage entre hommes sur cette question-là de la paternité, ça m'apparaît essentiel. Oui, puis je mettrais un petit bémol supplémentaire là-dedans. C'est que si ces lieux-là sont constitués pour les pères, je pense qu'il faut aussi faire confiance aux pères qui vont constituer ces lieux-là, parce que la crainte qu'il peut y avoir aussi, c'est est-ce que ces pères-là vont se mettre à parler contre les mères, vont se dire qu'ils n'ont pas de place et vont développer un discours hargneux revendicateur pour finir par monter sur des ponts. Je mets ça peut-être bien gros, mais j'ai l'impression que quand on parle de constituer des lieux d'hommes ou des lieux de pères, il y a cette crainte-là qui est dormante, qui est en filigrane. Puis je pense qu'il faut accorder la confiance aux pères. Et puis, si à quelque part, les pères finissent par éprouver une certaine colère ou se sentir peut-être mis de côté à l'écart, je pense qu'une fois qu'ils auront structuré leurs appréhensions, là, on pourra entamer un dialogue puis une négociation, savoir comment on peut les intégrer. Mais pour arriver à ça, il faut toujours laisser le temps au père de se structurer puis d'avoir des lieux pour articuler justement là, comment ils se sentent, comment ils le vivent. Mais merci beaucoup, Carl Lacharté, Éric Couteau. Alors, Éric Couteau, travail social, et Carl Lacharté, directeur du groupe du CEDEF, en fait. Alors, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. On enchaîne déjà avec notre chronique directement en studio avec Annick Desrosiers, qui était aussi à la technique. Alors, Annick, de quoi viens-tu nous parler aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, on va parler, dans une continuité, on va parler encore des papas. D'une autre façon, en fait, souvent qu'on lit dans les livres où on s'intéresse aux autres cultures, on entend beaucoup parler des bébés, des mamans, des cultures autour. Mais pourtant, il y a vraiment beaucoup de choses qui concernent les pères. Donc, je vous parle de la couvade. La couvade, ça parle un petit peu de tout ce qui touche les comportements culturels des pères, surtout habituellement ce qui a trait à l'accouchement et un petit peu après. C'est leur façon un peu de s'impliquer dans la grossesse, alors que pour dans plusieurs cultures, les rôles sont un petit peu plus stéréotypés. Puis pour un papa, il n'y a pas vraiment de signes physiques de la grossesse. Donc, c'est par la couvade que ces pères-là vivent ce début de paternité-là. L'origine de la couvade, c'est une coutume médiévale dans les Pays basques où l'homme se mettait au lit et imitait la femme dans le but de recevoir les mêmes traitements, les mêmes soins que la femme. Ça peut nous sembler un petit peu rigolo aujourd'hui, mais c'était une façon de vivre ce passage-là. Dans les cultures traditionnelles aujourd'hui, la couvade, c'est encore, ça a beaucoup rapport à limiter ses efforts, puis à pas manier d'armes sous peine de plein de maux pour l'enfant. Par exemple, un père qui tuerait un crocodile pour avoir un enfant avec des problèmes de peau ou des choses comme ça. Je donne un exemple concret. Les Wayapi en Guyane française, le papa, pendant les 3 jours qui suivent l'accouchement, doit pas se lever de son hamac, doit pas sortir de son habitation, sauf quelques petites minutes la nuit, doit faire un jeûne complet et être dans une solitude absolue. Selon l'anthropologue Françoise Grenard, ça a 2 objectifs. Premièrement, il y a beaucoup encore dans les peuples traditionnels des croyances que les enfants sont ont un lien, je dirais, encore très fort avec l'au-delà et ils peuvent être appelés à tout moment et on comprend pourquoi avec les hauts taux de mortalité. Donc, cette paresse apparente qui peut nous sembler un peu jugeable, en fait, elle sert à transférer sur le père la rancune des mauvais esprits sur le fragile nouveau-né. Et ça sert aussi à concentrer toute l'énergie du père pour la faire passer dans le corps de l'enfant puis dans son âme. Donc, dans les sociétés où la couvade est pratiquée de façon un petit peu plus permissive, le père peut vaquer à ses affaires habituelles, mais il faut qu'il garde constamment en tête son enfant et son âme. Par exemple, si le père monte à un arbre, il va installer des petits bâtons pour que l'âme puisse le suivre. Ou s'il traverse une rivière, il va mettre une petite barque pour que l'âme de l'enfant puisse aller avec lui. Donc, c'est vraiment des jours de communion avec l'enfant qui servent au père à apprivoiser son enfant. C'est le dernier, dans le fond, de voir dans l'acheminement de la participation du père à la grossesse de la mère, même si les interdits, souvent dans les cultures traditionnelles qui touchent la mère, sont encore plus nombreux. Je fais une petite parenthèse aussi. Dans de nombreuses cultures traditionnelles, le père a vraiment un devoir de continuer à faire l'amour avec sa conjointe parce que le sperme est vraiment un ingrédient qui sert à fabriquer l'enfant. Donc, si le père manque à son devoir, l'enfant pourrait naître avec un bras en moins ou avec des morceaux en moins. Un manque de nourriture, quoi. Oui, c'est ça. Donc, ça sert vraiment à nourrir l'enfant. Et c'est le cas chez les Baloubas au Zaïre, les Lobi au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Ghana. Voilà. Il y a aussi, sous le même principe, les Yami à Taïwan qui, eux, vont arrêter de faire l'amour vers 6-7 mois parce que l'enfant, on considère qu'il a assez grandi, puis si on continue à trop le nourrir, ben là, il va plus sortir, fait qu'il va être trop gros. Et dans plusieurs autres pays, l'abstinence est plutôt prônée pour éviter de faire mal à l'enfant. Par exemple, dans les Andes péruviennes, on évite de faire l'amour parce que ça fait des enfants au nez aplati avec les chocs répétés. En France médiévale, le sperme aussi, les relations sexuelles étaient évitées parce qu'on pense que la petite couche visqueuse qui recouvre l'enfant quand il naît, ben c'était du sperme. Donc, pour éviter cette vue-là à la sage-femme, on s'abstenait de relations sexuelles dans les derniers mois de la grossesse. La couvade, bon, on va en revenir à la couvade. Dans plusieurs cultures, le sens de la couvade, c'est aussi pour le père de partager la douleur de sa conjointe.